Mais je vois un mec qui fait du tam-tam. Ok, alors ça doit être... Il a arrêté. Alors attends. que je... Toi tu joues toi? T'entends pas. Mais oui, mais moi j'ai pas ma piste. Normalement, je devrais avoir une piste, non? Oui, mais parce qu'il y en a déjà du tout, il faudra mieux aller sur, dans une salle où il y a... Parce que là, il y a un mec qui a mis un truc en piste. Non? Ok. Ok, mais il y a un... Je sais même pas comment on ouvre un jam ou... Attends. Écoute ce que je te dis, mais on est en décalage. Thank you. Non. Voilà, il faut jouer au casque. Est-ce que tu mets un casque? Non, t'en auras la foutre, toi. Pourquoi? Non, faut que j'ai pas eu de problème. Il faut que tu mettes un casque, sinon ça fait ce qu'il dit des Donati. Bah, si. Je Il faut qu'on trouve une salle où on est peut-être les deux. Thank you.